إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وبعد، يقول الله جل وعلا في القرآن: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله عز وجل mentionne: et si vous êtes dans le doute sur ce que nous avons révélé sur notre serviteur, يعني محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم, alors faites et concevez une sourate semblable à lui ou semblable au Coran, et invoquez ce que vous prenez en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala, hein, ce que vous adorez, ce que vous prenez en témoin en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous êtes véridique. Tayyib. Qawlu ta'ala wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina fatu bi surati min mithlihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Ce discours s'adresse à l'imam ja'ala lillahi andada. يعني لا فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون ان كنتم في ريب. يعني par rapport au verset précédent, فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون وان كنتم في ريب. Ne prenez pas des égaux à Allah subhanahu wa ta'ala alors que vous savez. Vous savez quoi? C'est comme on a dit dans le cours d'avant, que c'est Allah tabaraka wa ta'ala الذي خلقكم والذين من قبلكم إلى آخره. C'est celui que vous savez très bien que c'est lui qui vous a créé, vous savez très bien que c'est lui qui a créé ceux qui étaient avant vous, إلى آخره. Les discours s'adressent toujours à ces gens-là. وفي ذكر هذه الآية المتعلقة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إشارة إلى كلمة التوحيد، وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يعني هذه المعنى محمد رسول الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذا الدليل على شهادة أن محمدا رسول الله. وفي كلمة الله جل وعلا في الآيات السابقة: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه معنى لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذه معنى لا إله إلا الله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذه معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، في ريب، وإن كنتم في ريب، يفسر كثير من الناس بالشك، وفي الحقيقة الريب قلق مع الشك. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a mentionné in kuntum wa in kuntum fi raybin, si vous êtes dans le doute, la majorité des gens ils expliquent raib bi shak, Mais en vérité, ce n'est pas un simple doute. C'est al-qalaq ma'a shik. C'est de l'inquiétude avec un doute. Et celui qui doute, mais sans plus. Il y a celui qui doute, mais en doutant, il est inquiet. C'est cette partie-là dont il est question ici. Fi hadhihi al-ayah, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala 'abdina, yani al-qalaq ma'a shik. Ici, c'est de l'inquiétude mélangée avec du doute. Ce n'est pas tout simplement un simple doute, mais leur cœur est reposé sans plus. Non, ici, non. Leur cœur, il est inquiet. Il y a de l'inquiétude dans ce doute. في ريب مما نزلنا المراد به القرآن لأن الله جل وعلا أنزله على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عبدنا محمد ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والله تبارك وتعالى وصف رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعبودية في الدفاع عنه كما قال الله جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقال الله جل وعلا سبحان الذي أسهر بعبده ليلا وقال الله جل وعلا فأوحى إلى عبده ما أوحى وقال الله جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا وصف الله جل وعلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالعبودية يعني العبودية الخاصة. Donc Allah تبارك وتعالى a mentionné في ريب مما نزلنا على عبدنا مما نزلنا هو القرآن كتاب الله جل وعلا. Vous avez un doute sur ce que l'on a révélé. Ici, ce que l'on a révélé, c'est le Coran. Pourquoi? Parce que le fait qu'il est juste derrière dans le verset Ala Abedina, qu'on a révélé sur notre serviteur, Abedina, ou Muhammad. Ici, il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Donc, ce qu'il y a avant, Mimma Nazalna, ça peut être que le Coran, parce que seul, il n'y a que le Coran qui a été révélé sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Bien sûr avec sunnah. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il a donné comme attribut à son prophète al-ubudiyya, puisqu'il l'a nommé abd, ala abdina. Pourquoi? Fid difa'i anhu, afin de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme on l'a déjà dit dans les versets précédents, Allah tabaraka wa ta'ala défend les croyants, et encore plus son messager sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. وفي بيان تكريمه بالمعراج والإسراء وفي بيان تكريمه بإنزال القرآن. Donc Allah عز وجل a élevé, lorsqu'il a nommé dans le mi'raj ou l'isra, ainsi que lorsqu'il a mentionné qu'il a descendu le Coran sur lui, puisqu'Allah عز وجل a mentionné في سورة الفرقان تبارك الذي نزل الفرقان على عبده, celui qui a descendu le discernement, yani le Coran, sur son serviteur, ala abdihi. Dans l'autre verset aussi, subhanalladhi ashara bi abdihi laylan, celui qui a fait voyager dans ce voyage nocturne son serviteur durant une nuit, bi abdihi. Wa kadhalika yaqul Allah jalla wa ala, lorsqu'il a mentionné fa awha ila abdihi ma awha, nous avons révélé sur notre serviteur, sur le serviteur, il a abdihi, sur son serviteur, il a révélé sur son serviteur ce qu'il a révélé. Et ici dans ce verset, wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina, yani huwa Muhammad ibn Abdillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa afdalu awsaf ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam hiya al-ubudiyya wa ar-risala. Et les meilleurs attributs qu'Allah Azza wa Jalla a donné à son prophète, alayhi salatu wassalam, c'est al-ubudiyya, le fait de l'avoir appelé abd, et al-risala, le fait de l'avoir appelé rasoul. Wa li hadha qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, innam ana abd, faqulu abdullahi wa rasouluh. La preuve, elle est dans le hadith fi sahih al-Bukhari, min hadith Umar radiallahu ta'ala anhu, قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا عبد, je suis un esclave, يعني un esclave d'Allah. فقولوا عبد الله ورسوله, Alors dites, l'esclave d'Allah, le serviteur d'Allah et son messager. Je suis un serviteur, alors dites, je suis le serviteur d'Allah et son messager. Yani, quand vous nommez le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. ثم يقول الله جل وعلا فأتوا بسورة يعني فات من سورات semblable au Coran من مثله فأتوا بسورة من مثله semblable بمثله ici العلماء ils ont expliqué بمثله semblable à lui يعني بمثله هذا الضمير هي بمثله هذا الضمير هل هو للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو للقرآن يعني فأتوا بسورة من مثله فأتوا سورة semblable à lui comme lui c'est-à-dire comme qui comme le Coran ou comme le prophète محمد صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ العثيمين رحمه الله وكلهما صحيح les deux avis ils sont bons. ثم يقول الله جل وعلا وادعوا شهداءكم et invoquez ceux que vous prenez comme témoins يعني شهداءكم يعني que vous prenez comme témoins en leur donnant des sifats de l'ulouhiyya تعبدونهم كما تعبدون الله جل وعلا تعبدونهم كما تعبدون الله جل وعلا demandez. Si vous voulez faire un Coran, eh bien demandez à ceux que vous adorez, à qui vous donnez des sifat, des attributs de l'ulouhiyya, de divinité, soi-disant, pour qu'eux fassent un Coran semblable au livre d'Allah, jallahu ala, ou bien semblable, comme l'a récité le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, min dounillah, yani siwa Allah, jallahu ala, in kuntum sadiqin. Si vous pensez vraiment et vous croyez vraiment que ce Coran n'a pas été révélé par Allah Jalla wa Ala à la Rasulihi sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, alors demandez à ce que vous adorez en dehors d'Allah qu'il vous aide ou qu'il le fasse eux-mêmes, hein, ce Coran, Kitab Allah Jalla wa Ala. Wa min al-fawa'id, awwalan, difa'u Allah Jalla wa Ala ala Rasulihi sallallahu alayhi wa sallam, yaqulillahi tabaraka wa ta'ala, fa'tu bi surati min mithlihi. Première faïda que l'on retire de ces versets, la défense d'Allah tabaraka wa ta'ala sur son prophète alayhi salatu wassalam, puisque Allah azza wa jalla lui-même, il les défie de faire un Coran semblable à cela. Puisqu'il leur dit, fa'tu bi suratin min mithlihi. Ça prouve bien que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ici, il est défendu par Allah tabaraka wa ta'ala, puisqu'Allah azza wa jalla défend son prophète. Ici, Allah Azza wa Jal élève son prophète. Il mentionne, c'est comme s'il mentionnait que Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est le seul à venir avec le Coran et que personne ne peut venir avec le Coran en dehors de lui et personne ne peut venir avec quelque chose semblable au Coran, au livre d'Allah Jalla wa Ala. Wa min al-fawaid, fadilatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam li wasfihi bil-ubudiyya. طيب لأن من لم يعبد الله جل وعلا فلا بد أن يعبد غيره فإذا لم يعبد الله جل وعلا وهو مستحق للعبادة عبد الشيطان كما قال ابن القيم رحمه الله. Le rang élevé du prophète صلى الله عليه وسلم puisque Allah عز وجل l'a nommé بالعبودية avec صفات العبودية يعني قال عبد. Le fait qu'Allah Jalla wa Ala il est nommé Nabi sallallahu alayhi wa sallam abd, ça signifie bien, ça montre bien que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, huwa ya'budu Allah Jalla wa Ala. Quant à celui qui n'adore pas Allah, il adore forcément un autre qu'Allah. Celui qui n'adore pas Allah, il adore forcément un autre qu'Allah. Et comme il a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, Celui qui n'adore pas Allah, Jalla wa Ala, alors qu'il est en droit seul de recevoir l'ibada, abada shaytan, il a adoré le diable. Comme a dit le salaf, كل معصية الله جل وعلا طاعة الشيطان. كل معصية الله جل وعلا طاعة الشيطان. Toute obéissance, toute désobéissance à Allah est une obéissance au diable. Toute désobéissance à Allah est une obéissance au diable. وقال أحد من العلماء كبار العلماء كل من خرج من طاعة الله جل وعلا فهو الشيطان. Toute personne qui sort de l'obéissance d'Allah, au moment où il sort de l'obéissance d'Allah, wa fi hal ash-shaytan, il est nommé comme étant un diable. Au moment où il est dans le péché, il est comme un diable. Wa min al-fawaid an al-Qur'an kalam Allah jalla wa ala. Yaqul lillahi 'azza wa jalla mimma nazzalna. Hadha ad-dalil 'ala an al-Qur'an kalam wa kalam Allah jalla wa ala. Lorsqu'Allah a dit Imimman Nazalna, de ce que nous avons révélé, descendu, ça prouve bien que le Coran c'est bien la parole d'Allah, c'est pas la parole de quelqu'un d'autre. Min al-fawa'id, ithbat uluhillahi jalla wa'ala. Limadha li'anna qala Allah jalla wa'ala, Nazalna ala abadina. Nazalna ala abadina. Hadha ad-dalil ala anna Allah jalla wa'ala huwa fawq samawati wal ard. وهو على عرشه وعرشه فوق سبع سماوات والأرض يعني أن الله جل وعلا هو في السماء. Ici on a bien la preuve et la confirmation qu'Allah عز وجل a été élevé et qu'il est bien au-dessus de toute sa création. وهذا ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. Ça c'est reconnu par le Coran et la Sunna, le consensus ainsi que par la raison, même par la raison et la fitra. ولا نقول كما قال بعض المبتدعة أن الله جل وعلا هو في كل مكان هذا خطأ أو وحدة الوجود يعني أن الله جل وعلا في كل شيء جزء من الله جل وعلا في كل شيء هذا ليس بالصحيح ويخالف السنة ويخالف الكتاب ويخالف الإجماع والعقل والفطرة. Quant à ceux qui disent qu'Allah est partout, aucune partie d'Allah elle se trouve dans chaque chose de ses créatures, ça c'est du mensonge qui vient de contredire le Coran, la Sunna, le consensus ainsi que la raison et même la fitra. ومن الفوائد أن القرآن معجز حتى بسورة ولو كانت قصيرة يقول الله جل وعلا فأتوا بسورة من مثله. La preuve ici que le Coran il est un miracle, même si c'est par une seule sourate. Même si cette sourate elle est petite, Allah Jalla wa'ala, il aura défié de faire ne serait-ce qu'une sourate. Le fait de faire ne serait-ce qu'une sourate. Rien que ça, il les a défiés. Alhamdulillah. Donc le fait qu'il les ait défiés, Allah Azza wa Jalla leur a pas dit de faire un Coran entier. Juste surah, fa'tu bi surah. Faites ne serait-ce qu'une surah, même si c'est la plus petite du Coran. Et bien sûr, Allah Azza wa Jalla sait très bien qu'ils ne le feront pas. طيب يقول الله سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت للكافرين. Et vous ne le ferez pas et vous ne le ferez jamais. يعني le fait de faire ne serait-ce qu'une sourate. Et craignez le feu qui a été préparé de consumé par qui aura combustible les gens et les pierres. وعدت للكافرين préparé pour les mécréants. يقول الله جل وعلا فإن لم تفعلوا. يعني فإن لم تأتوا بسورة من مثله فإن لم تفعلوا c'est-à-dire vous ne ferez pas vous ne ferez pas ne serait-ce qu'une sourate du Coran vous ne le ferez pas ولن تفعلوا يعني لا يمكنكم أن تفعلوا، ولن هذا لتأبيد يعني لا يمكنكم أن تفعلوا، ولم ولن ولم تفعلوا ولن تفعلوا. Vous ne le ferez pas et vous ne le ferez jamais. Ici, le len, hein, il marque la yumkinukum an tafhalu. C'est impossible que vous le fassiez. C'est impossible que vous le fassiez. La preuve, c'est que personne ne l'a jamais fait. Fattaqun nar. Ici, que le fait qu'Allah Azza wa Jalla قال fa in tafhalu wa lan tafhalu fa. Fa, fattaqun nar. Le fa ici il vient accrocher tout ce qui est avant. Ça veut dire que c'est une phrase à condition qu'on a juste avant. Et vous ne le ferez pas et vous ne le ferez jamais. Et à cause de ça, vous risquez l'enfer. C'est pour ça que l'Azazé a dit fa. Le fa ici ramène la continuité. Fattakun nar. Alors craignez le feu parce que c'est ce qui vous attend. Les deux sont reliés ici. وقودها الناس والحجارة يعني التي وقودها الناس والحجارة يعني التي اسم الموصول موصول صفة يعني النار صفة للنار يعني سلة pourquoi parce que النار c'est un féminin en français on dit le feu c'est un masculin ou bien الجهنم on dit que c'est le feu, l'enfer. On dit que c'est un masculin en français, mais en arabe, c'est un féminin. Hein, donc c'est pour ça qu'on a allati et non pas alladhi. Waqoudouha al-nas. Waqoudouha huwa mubtada. Wal-nas khabarul mubtada. Donc craignez ce feu qui aura comme combustible al-nas wal-hijara. Tayyib. Donc il y aura quoi comme combustible? Les gens. Ce feu-là qui est dans la dunya comme combustible, le bois, et bien, fil akhira, fil jahannam, il aura comme combustible les gens. On alimentera le feu avec des gens, avec les gens, avec l'insan, avec nas. C'est avec eux qu'on alimentera le feu, et non pas avec du bois. Salam alaykoum. وكذلك الحجارة. ولماذا قال الله جل وعلا الحجارة؟ قال بعض العلماء إن المراد بها الحجارة المعبودة يعني الأصنام لأنهم يعبدون الأصنام فأصنامهم هذه تكون معهم في النار. قال الله جل وعلا إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. Ici, pourquoi la hijara? Les gens, on comprend pourquoi ils seront en enfer, puisque ce sont les gens de l'enfer, ahlul jahannam. Ils sont en enfer. Ou la hijara, le fait qu'Allah Azza wa Jalla l'ait mentionné, la hijara, c'est-à-dire les pierres, on dit que, les ulama disent que. Les ulama disent que. C'est les pierres-là. Ces pierres-là sont les statues en pierre qui ont été adorées en dehors d'Allah, Jalla wa'ala. Alors ils seront avec al-musharikin, ma' al-musharikin, yom al-qiyama fi nar al-jahannam. U'iddat lil-kafirin, ni kulli kafir, sawa'un kafara bil-risala, ou kafara bil-uluhiyya, ou bi-ghayri dhalik. Préparé pour tout kafir, que ce soit un kafir qui ne croit pas en Allah, que ce soit un kafir qui ne croit pas en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que ce soit un kafir qui croit ou autre qui ne croit pas en autre que cela. Tout ce qui est du domaine de la religion d'Allah, jalla wa ala, ici, c'est la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, et c'est ce qu'Allah azza wa jal a préparé. Allah tabaraka wa ta'ala, u'iddat, qui a préparé cet enfer, c'est Allah jalla wa ala, puisque c'est lui qui l'a créé. Comme il a planté le paradis de ses propres mains, alors il a préparé cet enfer. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala lui-même qui a créé cet enfer, un enfer qui est déchaîné et qui n'attend que de brûler. Wa nas'alullah al-afwa wa al-afiyya wa nas'alullah jalla wa ala an yaj'alana min ahli al-janna wa la min ahli an-nar. Al-fawaid, qu'est-ce qu'on retire de tout ça? Mawa'idatul Qur'an, yaqulillahi jalla wa ala fattaqun nar. Le fait qu'ici Allah Azza wa Jal prévient contre cet enfer. طيب ثانيا le fait qu'Isa Allah Azza wa Jal veut rabaisser الكفار pourquoi parce qu'ils sont en enfer eux ainsi que ce qu'ils adorent que الشمس والقمر comme le soleil et la lune qui seront يوم القيامة qui seront eux aussi en enfer avec ceux qui ont adoré le soleil et la lune en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme ils ont adoré le soleil et la lune en dehors d'Allah jalla wa ala fi hadhihi dunya, yawm al-qiyamah ils seront en enfer avec eux. Thalithan, troisièmement, anna an-nar huwa mawjouda, hiya mawjouda al-an u'iddat fi'l madi. Le fait qu'Allah azza wa jalla qal u'iddat, il a été préparé fi'l madi, on a un verbe au passé. Cela signifie que anna an-nar mawjouda l'enfer existe dès aujourd'hui et on a les hadiths qui le prouvent c'est prouvé dans la sunna du prophète sallam quand on trouve toujours une niqash entre toujours une discussion entre l'enfer et le paradis ils sont toujours en train de se disputer ça c'est bien la preuve que cet enfer il existe déjà quand le prophète sallam il a mentionné que l'enfer tellement il brûle qu'il se brûle lui-même des parties de lui brûlent d'autres parties. Alors il a demandé à Allah Jalla wa'ala de pouvoir souffler. Allah Azza wa Jalla lui a permis de souffler deux fois. Une fois en hiver et une fois en été. En été, c'est cette chaleur que l'on ressent. C'est ce souffle. Et en hiver, pourquoi? Parce qu'il y a une partie de l'enfer qui est tellement froide qu'elle brûle. Qui est tellement froide qu'elle brûle. C'est ce que l'on ressent en hiver. Taï, mas'ala. هل النار باقية أم لا؟ Une question qui se pose c'est est-ce que cet enfer-là, il est éternel ou il s'éteindra un jour? Est-ce qu'il est éternel ou il s'éteindra un jour? Certains savants ont mentionné que justement, il s'éteindrait. الراجح, inshallah, c'est que cet enfer, il ne s'éteint pas. Ceux qui ont pris et qui ont dit clairement que cet enfer ne s'éteindra pas, c'est ce qui est mentionné dans le Coran. Illa tariqa jahannama khalidina fiha abada. Ils y resteront éternellement. Abada. Ils n'en sortiront jamais de cet enfer. Thumma qala Allahu jalla wa ala. Inna Allaha la'ana al-kafirina wa 'adda lahum sa'iran khalidina fiha abada. Encore une fois, on a la preuve que c'est éternellement. ويقول الله جل وعلا فمن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا encore une fois éternellement وليس بعد كلام الله جل وعلا كلام il n'y a pas de parole après la parole d'Allah si Allah عز وجل mentionne dans le Coran à plusieurs reprises à trois reprises que cet enfer là il sera éternel c'est qu'il sera éternel et s'ils y restent éternellement si Allah dit que le kuffar resteront éternellement au feu, c'est-à-dire que ce feu est éternel. Celui qui, si on dit que l'habitant d'une chose, celui qui habite tel endroit, il y restera éternellement, c'est que cet endroit est éternel. Quant à ceux qui pensent que, et qui sont de la vie, et qui ont dit que il se peut que cet enfer il sera éteint un jour ou l'autre, ils ont pris le verset du Coran. خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. Ils y seront éternellement, sauf ce qu'Allah a voulu. Cela, ils ont compris donc que Allah Jalla wa'ala, ce qu'Allah a voulu, c'est-à-dire qu'il y aura un laps de temps, et puis quand Allah Azza wa Jalla voudra, il éteindra cet enfer. إلا ما شاء ربك. Mais Ar-Rajih, Inch'Allah, c'est que cet enfer, il est éternel. « ومن الفوائد أن النار دار للكافرين والمشركين، يقول الله جل وعلا وعدت للكافرين، كذلك دار المسلمين الجنة، دار المسلمين الجنة، ودار الكافرين النار والعياذ بالله. La preuve ici c'est que la demeure des mécréants c'est l'enfer, quant à la demeure des musulmans c'est le paradis. طيب. ومن الفوائد الإعجاز في القرآن، les miracles du Coran. Ici c'est ce qui montre que le Coran il est bien la parole d'Allah Jalla wa Ala, il n'est pas la parole de quelqu'un d'autre, et que ce Coran il a des choses que les autres livres n'ont pas. Premièrement, c'est que lorsqu'on lit le Coran, on ne se lasse pas. C'est le seul livre que quand on lit, on ne se lasse pas. On le lit continuellement, et à chaque fois on le relit. Et à chaque fois le musulman revient sur ce livre. Hein? Comme je fais chaque Ramadan, il lit le Coran tous les mois de Ramadan. Même en dehors du mois de Ramadan, il lit le Coran. Il ne se lasse jamais de le lire. Alors que on peut se lasser avec d'autres livres. Hein? Alors que le Coran, on le lit plusieurs fois. Et à chaque fois, on revient dessus. Deuxièmement, parmi les miracles du Coran, c'est que celui qui lit le Coran une fois, quand il a des fawa'id, il va retirer des bienfaits. Et quand il le lit une deuxième fois, il retire d'autres bienfaits qu'il n'avait pas vus dans la première lecture. Et cela est continuel. À chaque fois, il relit le Coran, il relit, il peut lire 10 fois le Coran, qu'à chaque fois, il reviendra avec des choses nouvelles. Hein? Chose qu'il n'y a pas dans les autres livres. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup de tafsir au Coran, et à chaque fois, c'est des nouvelles fawa'id que les ulama, ils ramènent. C'est des nouvelles choses que les ulama, ils ramènent. Troisièmement, le Coran, il parle de choses qui se passent jusqu'à nos jours, subhanallah. Chose qui n'est pas le cas des autres livres. Le Coran qui a été révélé il y a plus de 1400 ans, il parle de choses qui arrivent jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala fait bi suratin min mithlihi, vous voulez faire un Coran, faites. فَلَمْ تَفْحَلُوا وَلَمْ تَفْحَلُوا. Vous ne le ferez pas, vous ne le ferez jamais. Parce que rien que ça, là, ce que l'on vient de nommer, la parole des gens, ils n'arrivent pas à le faire. À faire un livre où les gens ne se lâchent jamais. À faire un livre qu'à chaque fois que tu le relis, tu trouves des choses nouvelles. Ça, n'y arrive pas. Tout ce qu'on vient de nommer là, dans les livres de tous les écrivains, ça ne se trouve pas. Il y a toujours une limite. Alors que le Coran, il n'est pas limité par cela. طيب. وقال الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا لكم رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Car Allah Azzawajal a mentionné, selon le sens de verset, et averti ceux qui ont cru et qui ont fait de bonnes actions, qu'ils auront des paradis sous lesquels coulent des rivières, et ils auront cette rétribution, cette subsistance des fruits qu'Allah Azzawajal a créé dans ce paradis, et ils diront, cela est semblable à ce que nous avions avant. Et en vérité, cela n'est qu'une ressemblance. Et ils auront des épouses pures et ils y resteront éternellement. Taïb. Wabashir alladhina amanu. Ici, Allah Azza wa Jal annonce la bonne nouvelle à ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes actions, qu'ils seront au paradis. Et dans ce paradis, il y aura des rivières, des ruisseaux. Et ils auront une subsistance qui eux pensent que c'est semblable à la dunya, mais lorsqu'ils vont goûter, en vérité, elle n'est de semblable que le nom. تفاح تفاح، une pomme c'est une pomme. Mais elle n'a de semblable que le nom. Le goût, il n'est pas le même. Pourquoi? Parce qu'au paradis, tout est parfait. Tout est fait d'une manière parfaite. C'est pour ça qu'ils diront قَالُوا هَذَا الَّذِي أُرْزِقْنَا مِنْ قَبْلُ. C'est la même chose qu'on a eue, c'est la même substance qu'on a eue avant. Et en vérité, ce n'est pas le cas. الَّذِينَ آمَنُوا وأصول الإيمان الإيمان بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخير والقدر في خيره وشره. وبشر الذين آمنوا annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru en Allah, aux anges et tous les piliers de la foi, les six piliers de la foi. وعملوا الصالحات et qui ont accompli les bonnes œuvres. أي عملوا الأعمال الصالحات. C'est محبة لله جل وعلا وتعظيم لله سبحانه وتعالى. ولا لابد من الإخلاص والمتابعة. Et qui ont accompli les bonnes œuvres, c'est-à-dire qui ont accompli les bonnes œuvres avec amour pour Allah tabaraka wa ta'ala, avec grandeur pour Allah tabaraka wa ta'ala, et bien sûr en étant sincère envers Allah جل وعلا et dans la sunna du prophète صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن قال النبي قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى شركي عن الشرك ومن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه كما لدي الله عز وجل في الحديث القدسي الحديث الصحيح خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه celui je suis plus riche que ce que l'on m'associe comme association, celui qui fait une chose et qui m'associe avec un autre, taraktuhu wa shirkahu. Je l'abandonne lui et son shirk. Je l'abandonne lui et ce avec quoi il m'a associé. Wa ma lam yakun ala ittiba' fa huwa mardud wa la yuqbal. Yaqul an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sahih Muslim bil lafdhi wa bi hadha al-lafdhu min hadith Aisha radhiyallahu anha wa kharaja al-Bukhari wa Muslim kadhalik. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو الرد وفي رواية البخاري ومسلم باللفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد celui qui fait une chose qui n'est pas conforme à nos enseignements elle est rejetée. طيب أن لهم جنات وفي اللغة البستان الكثير كثير الأشجار. أن لهم جنات ils auront salam rahmatullah paradis c'est-à-dire c'est quoi le paradis dans le loura jannah fil loura c'est les jardins avec beaucoup d'arbres c'est les jardins avec beaucoup d'arbres أما شرعا الدار التي أعدها الله جل وعلا للمتقين et في الشريعة c'est quoi الجنه c'est cette demeure qu'Allah عز وجل a préparée pour les pieux qu'il a implanté lui-même de ses propres mains, Allah tabaraka wa ta'ala, et il y a dans ce paradis ce que nul œil n'a vu, ni oreille n'a entendu, et aucun cœur ne peut percevoir. Tadjari min tahtiha l'anhar, sous lesquels coulent des ruisseaux, c'est-à-dire sous lesquels, c'est-à-dire sous ces arbres-là. Il coule quoi? Des ruisseaux, des rivières. Des rivières de quatre choses différentes. Et ces quatre choses sont nommées dans un même verset, fi sourate Muhammad au verset 15, idha qala Allahu jalla wa ala mathalu al-jannati allati u'iddat lil-muttaqin al-muttaqun wa'ida al-muttaqun fiha anharun min ma' des rivières d'eau ghayri asin wa anharun min laban des rivières de lait وأنهار من خمر des rivières de vin وأنهار من عسل des rivières de miel. Dans le même verset Allah Jalla wa'ala l'a montré les quatre sortes de rivières, des rivières d'eau, des rivières de lait, des rivières de vin et des rivières de miel. كلما رزقوا منها يعني من الجنات من الجنة من ثمرة يعني الثمرة قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. Donc lorsque les gens du paradis vont voir les fruits du paradis, vont dire c'est la même chose qu'on avait dans la dunya. En vérité, elle n'a que le nom qui est semblable. Hein? Il n'y a que le nom qui est semblable. Mais lorsqu'ils goûteront, ils verront bien que cela n'a rien à voir avec le produit du paradis, n'a rien à voir avec le produit qu'ils avaient dans la dunya. Et cette eau, ou bien ce lait, ou bien ce vin, ou ce miel, hein, ils ne seront pas transformés, ils sont purs. Le lait dans la dunya, si tu le laisses, il tourne et il a un mauvais goût, jusqu'à ce que tu ne peux plus le boire. Hein. L'alcool, lorsque tu le bois, il t'enivre, tu perds la raison, et tu es considéré comme un moins que rien. Le miel, si tu le laisses, tu le laisses, tu le laisses, tu le laisses, il commence lui aussi à fermenter, jusqu'à ce que tu ne peux plus le goûter. Alors qu'au paradis, non. Au paradis, il reste pur jusqu'à toute l'éternité. Il reste pur toute l'éternité. Ça veut dire qu'ils sont consommables à l'éternité et ils n'ont pas les effets néfastes qu'ils ont dans la dunya. C'est pour ça qu'ils ont le même nom, laban, wal-khamar, wal-asal, wal-ma, mais en vérité, hein, ils sont créés d'une manière parfaite au paradis. Ce n'est pas comme dans cette vie d'ici-bas où ces produits-là tournent. ولهم فيها أزواج أزواج جمع زوج c'est le pluriel de زوج السلام ورحمة الله هناك. Donc, ils auront des épouses. Ils auront des épouses. Ces épouses-là, c'est quoi ou c'est qui? Ces épouses-là sont les femmes du paradis, qu'Allah Azzawajal a créées lui-même, mais qui n'ont jamais connu la dunya. Elles n'ont jamais été créées dans cette dunya, elles n'ont jamais marché dans cette dunya. Mais elles sont créées directement au paradis. Elles n'ont connu que le paradis. Hein. Ce sont des femmes qui attendent les croyants fil akhira jusqu'à ce que un Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné que la femme qui se refuse à son mari alors qu'il souhaite faire l'acte avec son épouse, avoir une relation avec son épouse, les femmes, et qu'elles le refusent sans excuse valable, alors ces femmes-là, elles s'adressent directement à son épouse et elles lui disent, bientôt il sera pour nous. Bientôt il sera pour nous. Tu te refuses à lui aujourd'hui, mais bientôt il sera pour nous. Jusqu'à ce que les anges maudissent la femme qui se refuse à son mari sans excuse valable. Bien, hada sabab al-fitna, sabab al-fitan. Si un homme il ne peut pas avoir de relation avec son épouse, avec qui il va avoir une relation? Cela signifie qu'au moment où si elle se refuse, alors qu'il veut avoir une relation avec son épouse, ça peut être une source de grande fitna. Il se peut qu'il sorte de chez lui, sous l'état où il est, en étant énervé et en étant frustré, et qu'il commette malheureusement la fornication avec une autre femme qu'il trouvera en dehors de chez lui, qui n'est pas son épouse, et ainsi il tombera dans le péché. Or, c'est elle qui sera la cause de cela. ومن نساء الدنيا et ces épouses-là qui sont au paradis, parmi elles il y a, comme on a dit, les femmes du paradis qu'Allah Azza wa Jalla a créé lui-même et qu'elles sont au paradis, elles n'ont jamais connu autre chose que le paradis, et il y a les croyantes qui elles ont connu la vie d'ici-bas mais qui ont mérité le paradis et qui seront elles yawm al-qiyamah, qui sont fil akhira, au paradis, mais qui elles ont connu la vie d'ici-bas mais aujourd'hui elles seront au paradis. Donc les femmes du paradis, elles sont de deux sortes. Il y a les femmes du paradis qui, elles, ont été créées que pour le paradis, et il y a les autres qui, elles, ont connu la dunya, mais elles ont mérité le paradis, comme elles étaient pieuses, elles ont mérité le paradis. وَقَالَ أَزْوَاجٌ Cela signifie qu'elles seront mariées. Pourquoi? Parce que dans le terme زَوْج, il aura-t-il arabiya, le terme زَوْج, quand il est utilisé pour une femme, ça montre que C'est une femme mariée. C'est une femme mariée. C'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'il a parlé de la femme de Lot et de la femme de Pharaon, il n'a pas dit Zawju Pharaon ou Zawju Lot, il a dit Mar'atu Lot ou Pharaon. Il n'a pas utilisé le terme Zawj. Pourquoi? Parce qu'ils sont mariés dans la dunya, mais ils ne sont pas mariés fil akhira. Pourquoi? Parce qu'un des deux est kafir. Donc il y en aura un qui sera en enfer, l'autre qui sera au paradis. Asya, alayhi salam, la femme de Pharaon, elle sera au paradis, alors que Pharaon lui sera en enfer. Kadalik ma'lout, Lot, alayhi salam, il sera lui au paradis, sa femme, elle sera en enfer, alors que dans la dunya, ils étaient mariés. Mais étant donné qu'il y avait un des deux kafir, et donc qu'ils ne seront pas ensemble fil akhira, Allah Jalla wa'ala, il n'a pas mentionné le terme Zawja ou Zawja pour eux deux. Alors que pour les autres couples, les autres prophètes avec leurs femmes qui étaient musulmanes, il a nommé le terme Zawja. Uskun anta wa Zawjuka. Lorsqu'il a parlé à Adam et à son épouse Hawa, alayhi salatu wa salam, il a dit Uskun anta wa Zawjuka. Habite-toi et ta femme, Zawjuka. Zawj. Pourquoi est-ce que les deux sont musulmans et les deux seront ensemble fil akhira, fil jannah. Maintenant, dans le Coran, il est vrai qu'Allah Jalla wa'ala, pour Ibrahim ou Zakaria, il n'a pas utilisé le terme Zawja ou Zawj. Il a utilisé le terme Mar'a. Seulement là, ça pose problème, parce qu'on dit le Mar'a, c'est utilisé quand un des deux est kafir. Alors que la femme d'Ibrahim, elle était musulmane, et que la femme de Zakaria, elle était musulmane. Seulement ici, Allah Jalla wa'ala a mis une exception, c'est que ces deux femmes-là ne pouvaient pas enfanter. Elles étaient stériles et âgées. Donc, le fait qu'elles ne pouvaient pas enfanter, Allah tabaraka wa ta'ala ne les a pas appelées Zawj. Donc ici, le terme Mar'a, il n'a plus le même sens. Mar'a, pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas cette capacité d'enfanter. Or, le terme Zawj, il mentionne, fil lughat al-arabiyya, c'est le fait d'être épouse et d'enfanter. Le fait d'être épouse et enfanter. Tayyib. Quant aux femmes qui n'ont pas été mariées dans cette dunya et qui sont mortes sans être mariées, Allah Jalla wa'ala les mariera lui-même. Yawm al-qiyam. هذا من قول في مجمع الفتاوى من شيخ العثيمين رحمه الله. C'est Allah Jalla wa'ala qui va les marier. Il en est de même pour les hommes. Ceux qui n'ont pas été mariés et qui sont morts comme ça dans la dunya, Allah Azza wa Jalla les mariera يوم القيامة. مطهرة. Ses épouses, elles sont مطهرة. يعني ظاهرا وباطنا. Elles sont pures aussi bien à l'apparence qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que ni elles n'urinent, ni elles ne font de besoin, ni elles n'ont les menstrues, ni elles n'ont les lochis, voilà l'istihada, elles n'ont pas ces écoulements de sang, il a khiri. Elles sont pures, complètes, yani, complètement. C'est-à-dire que celui qui vivra avec elles, yom al-qiyama wa nas'Allah jalla wa'ala an yaj'alana minhum, il sera heureux avec ces épouses-là. Il sera heureux avec ces femmes-là, fil jannah. Quant à la femme qui dit, il se peut que la femme, avec son mari, sera jalouse. Pourquoi? Parce qu'il aura des épouses du paradis, il aura d'autres femmes au paradis. Donc il se peut qu'elle sera jalouse et qu'elle ne sera pas bien. Ça, c'est impossible, parce que les gens du paradis, Allah Jalla wa'ala, va leur enlever toute tristesse, toute jalousie, toute chose qui déçoit. Il n'y a plus tout ça, c'est fini. Fil jannah, ce n'est que du bonheur pour l'éternité. Donc elles n'auront pas tout ça. Elles n'auront pas toutes ces choses-là. Quant à celui qui vivra avec elles, que ce soit son épouse qu'il a connue dans la dunya, ou bien la femme avec qui il sera dans fil akhira, ou bien ces femmes-là du paradis, quoi qu'il arrive, il sera heureux. Il n'aura pas le fait de la détester, ou le fait qu'il sera déçu, ou autre. Quant à ces femmes du paradis, qu'Allah Azza wa Jalla a créé lui-même, ce sont des épouses qui ne font que les éloges de celui avec qui elles sont. Et toujours, elles lui font des éloges et des éloges et des éloges et des éloges. Jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'un homme, il vient du paradis, il a un palais, dans ses palais, il y a plusieurs chambres. Et quand il rentre dans une de ces chambres-là, il y a une femme du paradis, elle lui fait les éloges, elle lui dit, tu es quelqu'un de beau. Et lui, il dit la même chose, puis il fait ce qu'il a à faire, puis il repart et il revient à la même personne, et elle lui dit, tu es encore plus beau que ce que tu étais la première fois. Donc celui qui se passe de commettre la fornication dans cette vie d'ici-bas. Comme il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah lui donnera mieux. Celui qui abandonne une chose pour Allah, Allah lui donnera mieux. Or le musulman qui tombe dans zina, wa li'a'udhu billah, wa nas'allahu al-afwa wa al-afiya, wa salama, wa li dhurriyyatina wa azwajina, celui-ci, en vérité, il va goûter un plaisir qui n'a presque pas de goût. Comme ils ont dit les ulama, celui qui regarde une femme dans cette vie d'ici-bas, il la désire. C'est comme s'il voit du sucre, il met son doigt sur le sucre, et il goûte comme ça, avec le goût de sa langue. Voilà, il a un petit goût sucré, et après il y a quoi? Après il n'y a plus rien. Alors qu'au paradis, il sera pour une éternité. Celui qui se passe des choses haram dans ce bas monde, Allah Jalla wa'ala lui donnera mieux. Il en est de même celui qui est tenté par le boire l'alcool ou le vin dans cette vie d'ici-bas. Qu'il se passe de cela, il aura des rivières de vin, il pourra boire à satiété, à volonté. طيب وهم فيها خالدون لا يخرجون منها. Ils y resteront éternellement. Cela signifie qu'ils seront au paradis pour l'éternité. Celui qui rentre au paradis n'en sort plus. Ce n'est pas comme l'enfer. C'est là que ça prouve que le paradis il est meilleur que l'enfer. C'est que le paradis, premièrement, il ne contient que les gens pieux. Alors que l'enfer, il contient les gens qui désobéissent à Allah Jalla wa'ala. C'est pour ça, lorsqu'il y a eu cette discussion, cette dispute entre l'enfer et le paradis, l'enfer lui a dit, moi j'ai plus de personnes que toi. Le paradis a dit, oui c'est normal parce que toi t'as que les désobéissants. Moi j'ai que les pieux. Donc, il y a toujours eu ce niqash entre l'enfer et le paradis, jusqu'à ce qu'Allah Jalla wa'ala, toujours, Allah Azza wa Jal, fait arrêter cette discussion entre les deux. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Dans beaucoup d'ahadiths, on trouve ce genre de passage. Il y a toujours une discussion entre l'enfer et le paradis. Et cet enfer-là, toujours, il veut obéir à Allah Jalla wa'ala encore plus, jusqu'à ce qu'il veut brûler et brûler et brûler et brûler, jusqu'à ce qu'il sera tellement déchaîné yawm al-qiyamah qu'Allah Jalla wa'ala mettra son pied dans l'enfer. Il lui dira qatta, c'est-à-dire maintenant ça suffit. Cet enfer-là, sa ibadah, c'est quoi? Lui, huwa ta'budu Allah Jalla wa'ala. Cet enfer-là, il adore Allah tabaraka wa ta'ala. Sa ibadah, c'est quoi? C'est de brûler. Plus il brûle, plus il adore Allah Jalla wa'ala. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal le calmera en mettant son pied dans l'enfer. Kaifa Allahu a'lam. Mais il mettra son pied dans l'enfer et lui dira, maintenant, ça suffit. Et ce qui prouve que le paradis est le meilleur, c'est que ceux qui rentrent, il se peut que le musulman qui rentre en enfer, il ressortira. Quoi qu'il arrive, tant qu'il est musulman, il va ressortir. Alors que le paradis, une fois qu'il y rentre, il ne peut plus en sortir. Il ne peut plus en sortir. Et il ne découvrira que du bonheur. Al-Fawaid. Min Fawaid al-Ayat. On a la preuve ici que on peut et que l'on doit annoncer les bonnes nouvelles à l'être humain lorsque c'est une bonne nouvelle pour lui. Puisqu'Allah Jalla wa'ala a mentionné وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru. Annonce la bonne nouvelle à ceux qui ont cru et qui ont accompli les bonnes œuvres. وَهَذَا مِنْ سُنَنْ الْمُرْسَلِينَ عَلَيْهِمْ صَلَاتُ وَالسَّلَامُ. Et c'est bien là une sunna des messagers, car ce n'est pas la première fois qu'Allah Jalla wa'ala annonce à ses prophètes d'annoncer la bonne nouvelle. من الفوائد الذي يدخل في الجنة يدخل الجنة هو الذي يؤمن ويعمل بإيمانه يعني بعلمه. Ne rentre au paradis que celui qui remplit ces deux conditions, qui croit mais qui en plus accomplit les bonnes œuvres. Il ne s'agit pas de croire seulement et de ne rien accomplir, ou il ne s'agit pas d'accomplir sans croyance. Les deux vont ensemble. الجمع بينهما. Donc il suffit de croire et d'accomplir pour entrer au paradis. لكن إذا قال قائل في القرآن الكريم يدل على أن الأوصاف الأربعة الإيمان والعمل والصلاة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Seulement si quelqu'un vient et nous dit deux choses, ça ne suffit pas, puisqu'Allah Jalla wa Ala a mentionné que tout homme, inna l'insana la fi khusr, illa alladhina amanu wa aminu salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Si quelqu'un vient, il dit, il ne suffit pas de deux choses, puisqu'Allah Azza wa Jalla en a nommé quatre. Puisque lorsqu'il a dit, subhanahu wa ta'ala, certes l'homme croit sa perte, sauf ceux qui croient, donc on a l'iman, qui accomplissent les bonnes œuvres, wa aminu salihati, al-amalu salih, et là il en a rajouté deux. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr. Ils s'enjoignent mutuellement la vérité ainsi que la patience. Donc le fait de s'enjoindre mutuellement la vérité et la patience. Al-jawab wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr min amal salih. Ça fait partie des bonnes actions. Donc il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Hein? Ces deux qui ont été rajoutés dans cette sourate, qui font partie des gens qui seront sauvegardés et qui ne courent pas à leur perte, ces deux-là qui sont rajoutés et qui s'enjoignent mutuellement la vérité, qui s'enjoignent mutuellement la patience, il rentre dans Al-Amal ou Salah. Ça fait partie des bonnes actions. Donc ça ne change rien. Pour entrer au paradis, il faut réunir les deux. Al-Iman ou Al-Amal ou Salah. En min al-fawa'id, anna al-jannat anwa'. C'est que ces jardins sont différents. Il y a plusieurs jardins. Il n'y en a pas qu'un. Ce n'est pas un seul grand jardin. Ce sont plusieurs jardins. Pourquoi ? Parce qu'Allah Jalla wa'ala l'a mentionné au pluriel ici. Wa jannatin. Hein? Donc il y a plusieurs jardins. Wa qad dalla ala dhalika al-Qur'an wa sunnah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi surati ar-Rahman wa liman khafa maqama rabbihi jannatan. Celui qui a peur de son Seigneur, pour lui, jannatan. Deux jardins. Donc ces jardins sont nombreux. Wa qala Allah Jalla wa'ala وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ. Hein? Donc il y a plusieurs jardins. Dans ce même paradis, un paradis il n'y en a qu'un, il n'y a pas plusieurs. Mais dans ce même paradis, il y a plusieurs jardins. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fil hadith, fil sahih al-Bukhari, min hadith Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu an, il a mentionné ici que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, deux jardins, il y a un qui est en argent et dont les récipients sont en argent ainsi que ce qu'il y a dedans, et il y a un jardin qui est en or ainsi que ses récipients et qu'est-ce qu'il y a dedans sont en or. Hada dalil ala jannatan. Aussi bien dans le Coran ou dans la Sunna, il est mentionné qu'il y a deux jardins, dernier dans le même paradis. Tayyib. Ainsi que ces ruisseaux et ces rivières qui ne sont pas les mêmes que dans la dunya. Dans la dunya, on trouve certes des ruisseaux ou des rivières d'eau, mais on ne trouve pas des rivières de lait, ni des rivières de miel, ni des rivières de vin. Et ça, personne ne l'a jamais fait. C'est bien la preuve que seul Allah Jalla wa Ala, ou Al-Khaliq, wa yakhluq, wa Allah Jalla wa Ala, wa Ala kulli shayin qadir. Ça prouve bien que seul Allah Azza wa Jalla, le Créateur, qui a fait une rivière de miel? Qui a fait une rivière de vin? Qui a fait une rivière de lait? Hein? Personne ne l'a jamais fait. Alors qu'Allah Jalla wa Ala, lui, est capable de le faire, il le fera. Il l'a déjà fait, puisqu'il l'a créé au paradis. Wa min al-fawa'id, cette ressemblance, cette subsistance que l'on a dans la dunya, et qui ressemble à celle du paradis, mais en vérité, qui n'a que le nom qui est semblable. Hein? Cette subsistance, ces fruits qui sont au paradis, qui ont le même nom que les fruits de cette vie d'ici-bas, mais qui n'ont pas le même goût ni la même grandeur. Min al-fawa'id, ithbat al-azwaj fil akhira. On a bien la confirmation qu'il y a des épouses dans la vie de l'au-delà. Et c'est pour ça que celui qui accomplira une relation charnelle avec ses femmes de l'au-delà, ce n'est pas les mêmes relations que les femmes d'ici-bas. Wa qala Cheikh Al-Uthaymeen rahimahullah wa li hadha laysa fil janna maniyun. C'est pour ça que Cheikh Al-Uthaymeen dit que au paradis, il n'y a pas l'écoulement de sperme. Pourquoi? Parce que l'écoulement de sperme ici, dans cette dunya, il a une cause. C'est pour enfanter. Hein? Or, ce ne sera pas le cas là-bas. Au paradis, ce n'est pas le cas. Tu fais l'acte par plaisir. Le seul but, c'est le plaisir. Aussi bien pour la femme que pour l'homme. Le seul but de faire l'acte, c'est, ce n'est que le plaisir. C'est comme manger ou boire. Tu ne bois et tu ne manges au paradis que par plaisir. Ce n'est plus par besoin. Ce n'est plus par besoin. Ce n'est que par plaisir. Tu manges par plaisir, tu bois par plaisir. Tout ce que tu fais, ce n'est que par plaisir. Ce n'est plus pour un besoin. Alors que dans cette vie d'ici-bas, toutes ces choses-là, certes, tu en retires un plaisir, mais ce plaisir, il est limité. Et deuxièmement, ce sont des causes. Si tu ne manges pas et tu ne bois pas, tu meurs. Hein? Si tu vas avoir des enfants, tu es obligé d'avoir un acte charnel avec ton épouse. Or, fil janna, ce n'est plus la même chose. Ce n'est que par plaisir. C'est pour ça que Chiril dit ici que là-bas au paradis, il n'y a plus d'écoulement de sperme. Taïb. Quant aux fruits, à ces fruits-là du paradis, il est mentionné que lorsque la personne sera au paradis et qu'il verra juste le fait qu'il voie le fruit, il est mentionné que le fait qu'il la voie, il n'aura même pas besoin d'aller la chercher. C'est le fruit qui viendra à lui. On dit que la branche s'allongera jusqu'à ce que le fruit soit apporté de sa main. Il n'a même plus besoin d'aller chercher le fruit, hein, jusqu'à ce que cela vienne à lui. Et c'est pour ça qu'Allah Jalla wa'ala, comme il l'a prouvé dans le Coran, lorsqu'il a dit « Alaykum salam wa rahmatullah » وجنى جنتين دانين وقال الله جل وعلا قطوفها دانية c'est-à-dire que les choses viendront à eux directement. Il suffira à l'homme qu'il regarde le fruit pour que ce fruit-là vienne directement à lui jusqu'à ce qu'il prenne le fruit directement. Il n'a plus besoin d'aller le chercher. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه